Il envoya la femme de chambre chercher sa boîte. Puis, ayant une chaise sous les pieds et une autre près de lui, il commença à jeter de grands traits, aussi calme que s'il eût travaillé d'après la bosse. Il vantait les petits Saint-Jean de Corrège, l'Infanterol de Velasquez, les chers lactés de Reynolds, la distinction de Laurence et surtout l'enfant aux longs cheveux qui est sur les genoux de Lady Glower. D'ailleurs, peut-on trouver rien de plus charmant que ces crapauds-là? Le type de sublime. Raphaël l'a prouvé par ses madones. C'est peut-être une mère avec son enfant. Rosanette, qui suffoquait, sortit. Et Pellerin dit aussitôt. Eh bien, Arnoux, vous savez ce qui arrive? Non? Quoi? Ça devait finir comme ça, du reste. Qu'est-ce donc? Il est peut-être maintenant. Pardon. L'artiste se leva pour exaucer la tête du petit cadavre. Vous disiez? Reprit Frédéric. Et Pellerin, tout en clignant pour mieux prendre ses mesures. Je disais que notre ami Arnoux est peut-être maintenant coffré. Puis, d'un ton satisfait. Regardez un peu, est-ce ça? Oui, très bien, mais Arnoux. Pellerin déposa son crayon. D'après ce que j'ai cru comprendre, il se trouve poursuivi par un certain Mignot, un intime de Reginbard. Une bonne tête, celui-là, hein? Quel idiot! Figurez-vous qu'un jour. Eh, il ne s'agit pas de Reginbard. C'est vrai. Eh bien, Arnoux, hier soir, devait trouver 12 000 francs, sinon il était perdu. Oh, c'est peut-être exagéré, dit Frédéric. Pas le moins du monde. Ça m'avait l'air grave, très grave. Rosanette, à ce moment, reparut avec des rougeurs sous les paupières, ardentes comme des plaques de phare. Elle se mit près du carton et regarda. Pellerin fit signe qu'il se taisait à cause d'elle. Mais Frédéric, sans y prendre garde. Cependant, je ne peux pas croire. Je vous répète que je l'ai rencontré hier, dit l'artiste, à 7 heures du soir, rue Jacob. Il avait même son passeport, par précaution. Et il parlait de s'embarquer au Havre, lui et toute sa smala. Comment? Avec sa femme? Sans doute. Il est trop bon père de famille pour vivre tout seul. Et vous en êtes sûr? Parbleu, où voulez-vous qu'il ait trouvé 12 000 francs? Frédéric fit 2 ou 3 tours dans la chambre. Il haletait, se mordait les lèvres, puis saisit son chapeau. Où vas-tu donc? Dit Rosanette. Il ne répondit pas et disparut.